À la même occasion, le président russe Poutine a fait parvenir le 9 courant un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le destinataire indique que les relations entre la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée sont basées sur les excellentes traditions de l'amitié et du respect mutuel. Il s'exprime convaincu que le resserrement des relations bilatérales dans tous les domaines est conforme aux intérêts fondamentaux des peuples des deux pays et contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité de la péninsule coréenne et de l'ensemble de l'Asie Nord-Est. Il souhaite santé et succès aux camarades Kim Jong-un et paix et bien-être à tous les citoyens de la République populaire démocratique de Corée.